Voici Guillermo Guiz. Ça va les amigos? Il y a du niveau autour de la table. Ouais. Vous me connaissez, moi je suis un amateur de sensations fortes. L'autre jour, j'ai regardé la chaîne parlementaire avec le son. Moi, c'est l'adrénaline, tu vois, franchement. Souvent, les gens me demandent, tu ressens jamais la peur? Je dis, mais si, bien sûr. Pourquoi je dis ça? J'ai fait du surf ce week-end. Oh, ouais, super. J'ai fait du surf contre toute attente. Il s'avère que je surfe assez bien, en fait. Juste pas dans l'eau, quoi. Mais sur le sable, nickel, je tiens debout sur la planche. Je regarde les gens, putain, ça fait pas longtemps et tout. Mais dans l'eau, surtout dans l'océan, quoi. Moi, je viens de Bruxelles, tu vois, les vagues, la dernière vague qu'on a eue, c'était des attentats, tu vois. Donc, il n'y a personne au monde qui est moins adapté à ce sport que moi. J'ai pas d'équilibre, je suis lourd, je suis raide, j'ai le centre de gravité trop haut. Tu vois, le surf, c'est plus un sport pour Nagui, tu vois. Quand t'as les épaules à 40-50 cm de la planche, tu vois, les genoux qui adhèrent à la mousse comme ça, et ton hélicoptère qui te maintient à la surface, tu vois. C'est un sport pour Nagui. En plus, enfant, moi, j'ai jamais eu aucune culture de l'eau. Vraiment, j'ai jamais été en vacances à la mer et tout. Moi, j'ai 37 ans, je nage comme un parpin. C'est dans l'océan, c'est pire. J'ai croisé deux cabillauds, m'ont fait frère, la dignité, s'il te plaît, la dignité. C'est facile pour vous, vous avez appris tout petit, tu vois. Ça avec des écailles, ça juge, tu vois. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai failli me noyer. Peut-être, ouais, mais j'ai failli me noyer vendredi. Je suis allé surfer seul, sans expérience, en pleine grande marée, comme ça. Bonne idée. À un moment, après une heure, essayer de me lever sur la planche, je me suis dit, tiens, le rivage, il est pas un peu loin, là, tu vois. En plus, pendant longtemps, j'ai eu pied, et puis à un moment, je me suis dit, tiens, ce sol, il est bizarre, il est pas palpable. Donc, j'essaye de nager comme ça, vers le... mais je sens que j'avance pas, le courant, il me repousse, et je fatigue, etc. Là, je me dis, reste calme, je me retourne, et je prends une vague de la taille de Teddy Riner dans la tête, je suis projeté au fond de l'océan, je recroise les cabillauds, je leur fais, ah ben, vous tombez bien, je cherche la surface. Il me dit, on se connaît, putain, les poissons, déjà, c'est arrogant, en plus, ils ont pas de mémoire, tu vois. Là, je remonte, à bout de souffle, tous mes bras fatiguent, je suis là, je suis rien. Et il y a vraiment un moment furtif où je dis, putain, Ernesto, tu vas quand même pas mourir aujourd'hui, pas le lendemain de la mort de Jacques Chirac, tu vois. Tu vas pas nous faire une dormeçon. Si tu meurs aujourd'hui, personne va en parler, quoi. Au mieux, il y aura une demi-colonne dans un fan blog de France Inter. Là, ce sera titré un Belge de moins sur la chaîne. C'est déjà ça de prix, tu vois. Voilà, tu vois. À mes funérailles à Bruxelles, il y aura juste Leïla parce que je lui dois de l'argent. Elle fera un discours en mode, ouais, de toute façon, c'est chronique. C'était comme lui 30 secondes avant sa mort. Elle s'essoufflait, tu vois. C'est vrai, je me dis, si je meurs, c'est Tanguy Pastureau qui va reprendre ma place, quoi. Enfin, c'est ça qui m'a donné la force. Franchement, ça m'a donné la force. Je me dis, genre, il a pas assez de droits d'auteur, celui-là. Du coup, je me suis accroché à ma planche. Tu vois, comme un de pubis à la barbe de Daniel, tu vois vraiment, et les vagues, les vagues ont fini par me ramener sur le rivage. Je me suis assis au soleil, franchement, chiffonné par l'adrénaline, je me suis dit, toi, j'ai pensé à cette phrase, dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et autant Nelson Mandela, en général, c'est un tissu de conneries, c'est des poncifs, c'est des lamentations, ils m'ont mis en cellule de dégrisement pendant 27 ans, c'était long, tu vois, c'était un sudoku, tu vois, bref, et autant là... Là, il a raison. Ça m'a donné du courage. Moi, socialement, physiquement, je suis pas programmé pour regarder, on en parlait. Je suis pas programmé, moi, pour regarder l'océan comme ça sur une planche. Mais je m'en fous. Le lendemain, c'est quoi? Je suis retourné dans l'eau. Vous savez quoi? Bah, j'étais toujours aussi nul. Je suis la merde. Il y a des surfeurs qui disent au poisson, on le connaît pas, il est pas avec nous, tu vois vraiment. Mais pas grave, je vais persévérer, les amis. Je vais essayer d'obliger le destin, quoi. Et prévenez quand même Tanguy. Au cas où. Allez, bonne émission, les amis. Merci. La bande originale.